Madame de Maintenon, de Juste Jean-Étienne Roy, chapitre 1er. Nous allons raconter l'histoire de cette femme célèbre qui, après avoir éprouvé les plus cruelles vicissitudes de la fortune, s'est vue appelée par son mérite, ses talents et sa vertu à la plus haute position sociale à laquelle une personne de sa condition pouvait aspirer. Rien qu'à ce point de vue, cette histoire présenterait déjà un puissant intérêt, puisqu'elle offre de ces péripéties qui plaisent à l'imagination par leur imprévu et qui semblent plutôt appartenir au domaine de la fiction qu'à celui de la réalité. Mais il est un autre côté de la vie de Madame de Maintenon sur lequel nous devons appeler particulièrement l'attention de nos lecteurs. Ce sont les enseignements utiles que l'on peut y puiser. Ce sont les précieuses leçons de morale que l'on trouve disséminées dans ses lettres et principalement dans ses entretiens remarquables qu'elle avait à Saint-Cyr avec quelques personnes instruites lorsqu'elle venait y passer des jours de retraite. En lisant cette correspondance et ces entretiens, toute jeune fille chrétienne apprendra que les grandeurs, la fortune, les dignités, la puissance ne sont que vanité et que loin de nous donner le bonheur, ces prétendus biens tant convoités ne nous procurent qu'amertume et cruelle déception. Elle y apprendra que le seul bonheur que l'on puisse goûter ici-bas consiste dans la vertu, la paix du cœur, le calme de la conscience, et qu'il ne peut se rencontrer que dans la retraite, loin du tumulte, de la cour et du monde. Elle y apprendra enfin et surtout que le respect de soi-même, accompagné d'un grand fond de religion qui empêche ce sentiment de dégénérer en orgueil, est un préservatif assuré contre les séductions du monde. Françoise d'Aubigné ou d'Aubigny, marquise de Maintenon, naquit le 27 novembre 1635 dans les prisons de la conciergerie de Niort. C'est un singulier berceau pour celle qui devait s'élever un jour presque sur le premier trône du monde. Hâtons-nous d'expliquer comme la future épouse de Louis XIV vint au monde dans un cachot. La famille d'Aubigné, à laquelle appartenait Madame de Maintenon, est originaire d'Anjou, où l'on en retrouve des traces authentiques dès le XIIe siècle. Plusieurs branches de cette famille s'établirent dans le Poitou, dans le Berry et dans la Guyenne. Nous ne suivrons pas l'histoire et la généalogie de ces diverses branches, et nous arriverons immédiatement à Théodore Agrippa d'Aubigné, grand-père de Madame de Maintenon, compagnon et ami d'Henri IV. Ce personnage, qui a laissé d'assez curieux mémoire, était un de ces gentilshommes huguenots attachés à la fortune du roi de Navarre, guerrier sans cesse habitué aux périls et aux aventures, et dont l'âme et le corps semblaient de fer. Plus d'une fois, sa rude franchise le fit tomber en disgrâce, mais la bonté de son maître le rappelait tantôt à la cour. Lorsque Henri IV eut enfin abjuré la religion prétendue réformée, d'Aubigné, inflexible huguenot, vécut loin de sa personne. En 1583, Théodore Agrippa d'Aubigné épousa Suzanne de Lezay, dame de Surino. De ce mariage naquirent Constant d'Aubigné, baron de Surino, et deux filles. Constant d'Aubigné, le fils de Théodore Agrippa, fut loin de répondre à l'éducation qu'avait cherché à lui donner son père. Dès sa jeunesse, il s'adonna au jeu et à beaucoup de désordres. Brouillé avec son père à cause de sa mauvaise conduite, il feignit de se faire catholique pour gagner les faveurs de la cour, puis il se réconcilia avec son père sous un faux semblant de retour à la religion réformée. Ayant été envoyé en Angleterre pour solliciter des secours en faveur de La Rochelle assiégée par Louis XIII en 1627, à son retour à Paris, il révéla tout au gouvernement français. Son père, indigné, le déshérita. Cependant, Constant d'Aubigné obtint pour prix de ses services le titre d'écuyer du roi, une place de gentilhomme de la chambre et la baronnie de Surino, qui avait autrefois été confisquée sur sa famille. La faveur dont il jouissait à la cour lui fit obtenir la main de Mademoiselle de Cardillac. Le mariage ne rendit pas Constant d'Aubigné plus sage. En même temps, il mangea tout son bien, et il songea alors à former un établissement à la Caroline. À ce sujet, il noua avec le gouvernement anglais des intelligences qui, ayant été découvertes, le firent enfermer au château Trompette à Bordeaux. Sa femme voulut partager le sort de son mari et l'accompagner en prison pour adoucir la rigueur de sa captivité. Ce fut par les sollicitations de cette épouse dévouée qu'il obtint d'être transporté dans les prisons de Niort en Poitou pour être plus près de sa famille dont il espérait des secours dans sa détresse. C'est dans cette prison comme nous l'avons dit, que naquit Françoise d'Aubigné. Deux enfants, deux petits garçons, étaient déjà nés de cette union. L'un, Constant d'Aubigné, mort jeune, l'autre, Charles d'Aubigné, dont nous aurons occasion de parler plus tard. Dès le lendemain de sa naissance, la fille du prisonnier fut baptisée et reçut le nom de Françoise du nom de son parrain, François de La Rochefoucauld, le père de l'auteur des Maximes, gouverneur du Poitou. Sa marraine était Suzanne de Beaudéant, fille du baron de Noyant, gouverneur de Niort. On voit que, malgré sa disgrâce, Constant d'Aubigné jouissait encore d'une certaine considération dans la haute noblesse du pays. Il est vrai qu'il le devait moins à lui-même qu'à sa famille et surtout à sa femme, dont les qualités, les vertus et le dévouement avaient mérité l'estime générale. Ces témoignages de considération n'empêchaient pas le jeune ménage d'être tombé dans le dénuement le plus absolu. Constant avait mangé toute sa fortune, et la naissance d'une fille qui, dans toute autre circonstance, eût comblé leurs vœux, ne faisait qu'ajouter à leur misère. Sur ces entrefaites, ils reçurent la visite de Madame de Villette, sœur de Constant d'Aubigné. Elle savait que son frère n'était pas dans l'aisance, mais était loin de se douter que lui et sa famille fussent en proie à toutes les horreurs de l'indigence. Aussi, quand elle vit ce frère qu'elle aimait, pâle, exténué par le manque d'aliments et comme fou de désespoir, ses deux petits garçons n'ayant que des haillons pour vêtements, une petite fille de 2 jours que la mère éplorait ne pouvait nourrir parce que la misère et la faim avaient tari son lait et qu'il n'avait pas de quoi payer une nourrice, quand elle vit, dis-je, tout cela, son cœur fut déchiré de douleur et de compassion. Elle pourvut aux plus pressants besoins de son frère et de sa belle-sœur, et elle emmena les 3 enfants au château de Murset, situé dans le voisinage de Niort, et où elle résidait. Elle donna à la petite Françoise la même nourrice qu'à sa fille, Mademoiselle de Villette, qui fut depuis Madame de Saint-Hermine. Quelque temps après, le prisonnier fut transféré au château Trompette, sa première prison. Sa femme, qui l'y suivit, ne put supporter l'idée d'être séparée de sa fille chérie. Elle la redemanda à Madame de Villette, qui y était attachée, et qui ne la rendit qu'avec peine. Ce fut dans cette forteresse que la petite Françoise passa les premières années de sa vie, n'ayant pour se livrer à ses ébats qu'une cour triste, entourée de hautes murailles, qui la rendait plus triste encore, et pour camarade de son âge et de son sexe que la fille du concierge de la prison. Un jour que Françoise jouait avec cette petite fille, celle-ci lui montra un petit ménage en argent en lui disant « Voyez le joli ménage que mon père m'a acheté. Vous êtes trop pauvre pour en avoir un pareil. » « Cela est vrai, » répondit Françoise, « mais je suis demoiselle, et vous ne l'êtes pas. » Pour comprendre la signification de cette réponse, il faut se rappeler que dans ce temps-là, la qualification de demoiselle ne se donnait qu'aux jeunes personnes de famille noble. Ainsi, c'est comme si elle lui dit « Je connais que je suis pauvre et que vous êtes riche, mais je suis noble et vous ne l'êtes pas. » On voit que, tout enfant, elle laissait déjà entrevoir le sentiment de sa propre dignité, sentiment qui resta le fond de son caractère et le secret de sa conduite. En 1639, la femme du prisonnier, à force de sollicitations, obtint l'élargissement de son mari. Constant d'Aubigné résolut alors d'aller en Amérique, cherchait à refaire la fortune qu'il avait follement dissipée en Europe. À cette époque, on commençait à fonder à la Martinique des établissements coloniaux qui prospéraient avec rapidité. Desnambuc, gouverneur de Saint-Christophe, avait abordé à la Martinique en 1635 et avait obtenu des indigènes la concession de toute la partie méridionale et occidentale de l'île. La fertilité du sol y avait attiré de nombreux colons, dont les efforts couronnés de succès avaient dû appeler de nouveaux émigrants. D'Aubigné fut de ce nombre, et il s'embarqua avec sa femme, le plus jeune de ses fils et sa fille. Pendant la traversée, la petite Françoise tomba dangereusement malade. Au bout de quelques jours, elle s'affaiblit peu à peu et finit par ne donner aucun signe de vie. On la crut morte. Déjà, on avait fait les préparatifs de ses funérailles. Cérémonie fort simple, à bord d'un navire, et bientôt terminée. On attache un boulet au cadavre pour le faire descendre à fond. L'aumônier du navire récite les prières des morts, et quand il a prononcé la dernière prière, on fait basculer une planche sur laquelle est posé le corps. Il glisse et tombe dans les flots. Au même moment, un coup de canon est tiré, l'océan se referme sur sa proie et tout est fini. On allait donc procéder à cette triste cérémonie, quand la mère, au désespoir, prend son enfant dans ses bras et la couvre de baisers en remplissant l'air de ses gémissements. Pour ne pas prolonger cette scène pénible, Constant d'Aubigné arrache presque de force à la mère l'enfant dont la mort et la présence irritent son désespoir. Il va la remettre à un matelot chargé d'attacher le boulet qui doit entraîner ce petit corps au fond des mers. Madame d'Aubigné cesse de pousser des cris. Elle demande en grâce, les mains jointes, qu'on lui permette au moins de donner un dernier baiser à son enfant. On ose lui refuser cette triste faveur. Mais, ô prodige, au contact de ce baiser matériel, l'enfant éprouve un tressaillement imperceptible pour tout autre et que sa mère a senti. « Ma fille n'est pas morte » s'écrie-t-elle aussitôt. « Voyez, son cœur bat encore !» Le père reconnaît qu'effectivement ce n'est point une illusion de la mère. On s'empresse de replacer l'enfant dans son lit. Les soins les plus affectueux lui sont prodigués. Elle revient à elle peu à peu et quelques jours après, elle a complètement recouvré la santé. Constant d'Aubigné s'établit au quartier du Prêcheur à la Martinique. Il y acquit de vastes plantations. Ses premiers travaux furent si heureux que sa femme, qui peu d'années auparavant ne possédait pas de quoi payer une nourrice pour allaiter sa fille, avait maintenant 24 négresses à son service. Cette prospérité ne dura pas longtemps. Madame d'Aubigné revint en France avec ses deux enfants afin de poursuivre des procès et la rentrée de quelques créances. N'ayant rien pu terminer, elle se hâta d'aller rejoindre son mari. Mais pendant son absence, la malheureuse passion du jeu s'était réveillée chez lui avec une nouvelle fureur. Il avait joué et perdu tout ce qu'il possédait dans la colonie. Sa femme supporta ce nouveau malheur avec courage et sans adresser de reproches à son mari. Il ne leur restait pour vivre que les faibles appointements d'une lieutenance que Constant d'Aubigné avait obtenue dans un village de la Martinique. Confiné dans cette retraite, cette femme courageuse et d'une vertu austère se livra tout entière à l'éducation de ses enfants, surtout de sa fille, qui déjà donnait d'heureuses espérances. Elle lui faisait lire dans Plutarque l'histoire des grands hommes de l'Antiquité, et pour l'habituer à réfléchir, elle l'obligeait à rendre compte de ses lectures et lui prescrivait de petites compositions, surtout des lettres, que l'enfant écrivait déjà avec beaucoup de facilité. C'est ainsi qu'elle se forma de bonne heure au style épistolaire, dans lequel elle n'a de rivale que Madame de Sévigné. Sa mère était pour elle la meilleure leçon de vertu, et plus instructive que celle qu'elle lisait dans les livres. Madame d'Aubigné avait le sérieux que donne souvent le malheur. Elle supportait les revers avec courage, comme elle avait supporté avec résignation les vices de son mari, et elle voulut accoutumer de bonne heure ses enfants à ne pas s'affliger outre mesure des coups de la fortune. Le feu prit un jour à son habitation. Voyant sa petite fille pleurer avec amertume, elle lui dit d'un ton de reproche « Françoise, je vous croyais plus de courage. Faut-il donc se lamenter ainsi pour la perte d'une maison ?»« Ce n'est pas la maison que je pleure, » répondit vivement l'enfant. « Et qu'est-ce donc ? C'est ma poupée. » Avec l'ordre et l'économie que Madame d'Aubigné avait établi chez elle, les appointements de la place occupée par son mari étaient suffisants pour faire vivre sa petite famille, sinon avec luxe, du moins honorablement. Les âges, les exemples de sa femme, les remords de ses fautes, semblaient avoir guéri Constant d'Aubigné de ses mauvaises habitudes. Sa vie était devenue régulière. Il songeait sérieusement à refaire encore une fois sa fortune. Elle y aurait peut-être plus facilement réussi que la première fois, quand la mort vint le surprendre tout à coup et replonger sa malheureuse famille dans la désolation. Madame d'Aubigné revint en France plus pauvre qu'elle n'en était partie. Réduite à peu près à la misère, elle vécut du travail de ses mains et se fatigua à poursuivre les restes de la fortune de son mari, soit pour en arracher quelques débris à ses créanciers, soit pour entrer dans la baronnie de Surineau qui avait été aliénée pour dette, soit enfin pour réclamer une portion de l'héritage de Théodore Agrippa, dont Monsieur de Commandade s'était injustement emparé. En effet, Théodore Agrippa, en déshéritant son fils, comme nous l'avons dit, avait laissé par son testament aux enfants légitimes de ce fils, né et à naître, sa terre des Landes, près de Mer, dans le Blaisois. Pendant ce temps, et pendant les démarches et les voyages que nécessitaient ses affaires, Madame d'Aubigné confia de nouveau sa fille à Madame de Villette, sa belle-sœur, qui avait eu soin de sa première enfance et qui, dès qu'elle avait appris le retour en France de cet enfant, avait demandé à la voir auprès d'elle. Madame d'Aubigné ne céda qu'à regret au désir de sa belle-sœur. Mais la nécessité la contraignit à ce sacrifice. Elle était hors d'état de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de cet enfant. C'était donc en quelque sorte une question d'existence pour elle.